Je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connecté en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux, que tes beaux yeux seulement. Un jour peut-être, on se verra, mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir, j'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoires. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux, seulement. Je veux tes yeux.